إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. Donc toujours dans l'explication et dans la traduction du livre تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام, une explication de Cheikh Abdullah al-Bassam رحمه الله et un livre initialement écrit où le matn est de l'imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. La semaine dernière, on avait expliqué le dixième hadith, qui est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu. Des volontaires pour le réciter? Fadala. Hafid Tawou, hein? Fadala. رواه البخاري ومسلم. نعم. وفي لفظ آخر, وهي أيضا من رواية مسلم, لكن هكذا ورد في المتن. وفي لفظ آخر, حتى كاد يبلغ منكبيه. نعم. ثم غسل منكبيه حتى رفع إلى الساقين, ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مهجلين من آثار الوضوء, فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحصيله فليفعل. وفي رواية من مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت خليلي, وفي رواية لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم. أحسنت, بارك الله فيك. أنا أود فونتا لوطا تفضل. عن نعيم, عن نعيم المجمر, عن نعيم المجمر, عن نعيم المجمر, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء, ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. J'ai dit quoi, Menkibay, tout à l'heure? Non, je me suis trompé. C'est Menkibay. À foi. رواه مسلم. وفي لفظ مسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. أحسنت, بارك الله فيكم. ثم يقول المؤلف: باب دخول الخلاء والاستطابة. هذا باب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه, كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه والتحرز منه, وهذا من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا. في لوتر رحمه الله دي le chapitre de l'entrée dans les toilettes et du fait de se laver et de faire ses besoins. Ce chapitre, comme il le dit رحمه الله, ils seront cités les comportements à avoir lorsque l'on entre aux toilettes, comment s'y asseoir, comment en sortir, et de décrire la façon dans laquelle on se nettoie des impuretés qui sortent des orifices en utilisant des pierres ou similaires, et également comment se préserver de ces impuretés. Et ce chapitre, Bab al-Khala wa al-Istitaba, fait partie de Kitab al-Tahara. Il fait partie du grand chapitre de la purification. Al-Hadith al-Hadi Ashar. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه البخاري ومسلم. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. Donc le 11e hadith, selon Anas ibn Malik radiyallahu anha, le prophète sallallahu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entrait aux toilettes, disait « Ô Allah, je demande ta protection contre al-khubuth wal-khaba'ith ». Hadith authentique apporté par al-Bukhari et Muslim. Et al-khubuth, comme le dit al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi, al-khubuth bi-dhammi al-kha'i wal-ba. C'est-à-dire qu'il est une dhamma à la fois sur le kha et sur le ba. Et al-khubuth, c'est le pluriel de khabith. Et khabith en arabe, c'est le mauvais. C'est le mauvais. Wal-khaba'if, c'est le pluriel féminin. Autrement dit, les mauvaises. Et il dit, il a demandé ici la protection contre les diables, mâles et femelles, parmi les diables. Ici, le professeur Hassem a demandé la protection contre les diables, que ce soit des mâles ou des femelles. Gharib al-Hadith. Les termes étranges du Hadith. Awalan, idha dakhala al-khala, ya'ni idha arada an yadkhul. أو إذا أراد الدخول كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني فإذا أردت قراءة القرآن وكما صرح البخاري في الأدب المفرد بهذا حيث روى عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال وذكر حديث الباب. Premièrement, lorsqu'il entrait dans les toilettes, al-khala, c'est-à-dire lorsqu'il voulait entrer. Lorsqu'il voulait entrer aux toilettes, et cela est similaire à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Nahl, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, et lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable maudit. C'est-à-dire lorsque tu t'apprêtes à lire, lorsque tu veux lire. Tous ceux qui lisent le Coran, à quel moment est-ce qu'ils disent A'udhu billahi minash shaitan rajim? Avant la lecture. Et c'est ce qui est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi ont fait les musulmans jusqu'à notre époque. Donc, c'est similaire en fait. Dans ce verset, Allah azza wa jalla a dit, lorsque tu lis le Coran, et le compagnon Anas radiallahu anhu a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait, c'est-à-dire lorsqu'il s'apprêtait à entrer. Lorsqu'il s'apprêtait à entrer dans les toilettes, il disait cette invocation. Donc il la disait avant d'entrer. Donc il y a la preuve dans le Coran que cela veut dire lorsque tu as l'intention, lorsque tu t'apprêtes. Et il y a aussi une autre version du hadith qui est rapportée par Al-Bukhari, mais non pas dans son sahih, mais dans son livre Al-Adab al-Mufrad. Car Al-Bukhari, rahimahullah, n'a pas fait, ou n'a pas écrit, n'est pas l'auteur d'un seul ouvrage qui est son sahih, mais il a beaucoup d'autres livres, beaucoup d'autres ouvrages qui sont de sa plume. Et parmi ces livres, il y a Al-Adab al-Mufrad, qui est aussi un recueil de hadith. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a notamment étudié ce livre et l'a sorti en deux volumes, l'un appelé Sahih al-Adab al-Mufrad et l'autre Da'if al-Adab al-Mufrad. Dans l'un, il a répertorié tous les hadiths rapportés dans l'Adab al-Mufrad et dans l'autre, tous les hadiths, dans l'un, tous les hadiths authentiques et dans l'autre, tous les hadiths faibles. Et justement, dans l'Adab al-Mufrad, il y a une version de ce hadith de Anas radiallahu anhu qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait entrer aux toilettes, et cette version explique bien sûr la première, et ce hadith a été authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. Thaniyan al-khala bil-mad, al-makan al-khali, wa huna al-makan al-maqsud wal-mu'ad liqada al-hajah. فإن قصد قضاء كصحراء لقضاء حاجة فإن قصد فضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول. الخلاء بالمد, c'est-à-dire que l'on doit prolonger le lam. On ne dit pas الخلاء mais الخلاء. Et الخلاء c'est un endroit vaste, un endroit vide, et ce sont généralement des endroits qui sont ou vers lesquels on se dirige pour faire ses besoins. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ce qui était de coutume, c'était que celui qui voulait faire ses besoins devait sortir. Il n'y avait pas de toilette proprement dite dans les maisons, sauf certaines maisons qui étaient dotées d'endroits réservés pour ce genre de choses. Mais sinon, la plupart des gens sortaient à l'extérieur et trouvaient un endroit dans lequel ils pouvaient se cacher des regards des gens. Donc, Al-Khala, c'est un endroit qui est réservé pour faire ses ablutions, pour faire ses besoins, afwan. Donc, soit c'est un endroit bien précis, ou soit c'est une vaste terre. Et si l'on comprend que c'est une vaste terre, dans ce cas, il n'y a plus lieu de d'interpréter le hadith, à savoir lorsque tu as l'intention d'entrer, car si tu entres dans un endroit vaste, dans un terrain grand, là on ne parle plus d'entrée et de sortie. À partir du moment où tu arrives dans cet endroit, tu peux dire l'invocation. ثالثا الخبث والخبائث. الخبث بضبط ضبط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف, ومعناه ذكور الشياطين, وضبطه جماعة بإسكان الباء, ومعناه على هذا يكون الشر, وهو معنى جامع, حيث قد استعاذ من الشر وأهله وهم الخبائث, فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام. Troisièmement, الخبث والخبائث, qui ont été désignés ou qui ont été explicités comme comportant une dhamma sur le kha comme sur le ba, comme l'a cité l'auteur précédemment. Et son sens, ce sont ذكور الشياطين, ce sont les mâles parmi les diables, à savoir al-khubuth. Et d'autres savants ont dit qu'il n'y avait pas une dhamma sur le ba, mais c'est un sukun. Donc il serait dit al-khubuth ou al-khaba'ith, al-khubuth et non pas al-khubuth. À quel point il y a deux avis des savants. Sur le premier avis, à savoir que c'est al-khubuth avec une dhamma sur le bas, dans ce cas, cela signifie les mâles parmi les diables. Et si on prend l'avis du sukun sur le bas, en disant khubth, dans ce cas, c'est le pluriel de mâle. C'est le pluriel du mâle. Et c'est un sens général, à savoir que lorsque tu dis al-khubth, tu demandes la protection d'Allah Azza wa Jalla contre le mâle, ainsi que les gens du mâle et les personnes du mâle. Et bien sûr, aucun doute que les diables en font partie. Pour cela que lorsque tu dis cette parole, lorsque tu dis cette invocation et cette protection, il faut avoir à l'esprit tous ses sens. المعنى الإجمالي أنس بن مالك المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضاء حاجته وهو أنه صلى الله عليه وسلم من كثرة التجائه إلى ربه لا يدع ذكره والاستعانة به على أي حال فهو صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاسة وأن يعصمه من الخبائث وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوف بالعناية يخاف من الشر وأهله فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا. Le sens général du hadith. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui a eu l'honneur d'être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous cite un hadith, où dans ce hadith, les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il faisait ses besoins. À savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en remettait tout le temps à Allah subhanahu wa ta'ala et était en perpétuelle relation avec lui subhanahu wa ta'ala, il ne délaissait pas le rappel d'Allah et la demande d'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci en toutes circonstances. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait entrer dans un endroit dans lequel il allait faire ses besoins, il demandait la protection d'Allah et s'en remettait à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le préserve de tout mal. Et parmi ces mots, il y a l'impureté. Et également, il demandait à Allah Azzawajal de le préserver et de le protéger de Al-Khaba'ith, qui sont les diables, qui essayent tant que possible de faire en sorte que la religion et les adorations du musulman soient nulles et soient invalides. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est protégé et qui bénéficie de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de son aide, avait peur du mal et de ses partisans. Que dire alors nous concernant? Notre peur doit être plus grande et nous devons prendre des précautions plus grandes également afin de protéger ou de protéger notre religion contre notre ennemi qui est le diable. Et Allah Azza wa Jalla a clairement dit: Inna shaytana lakum adou. Le diable est pour vous un ennemi. Donc ici, Cheikh al-Bassam rahimahullah explique que ash-shar entre dans le mal par lequel ou duquel tu demandes la protection ou sur lequel tu demandes la protection d'Allah Azza wa Jal, que dans le mal il y a les choses impures et les choses sales. Et lorsque l'on dit sale, ce sont des choses sales considérées comme étant sales islamiquement. Et que le diable fait en sorte que le musulman se tâche d'impureté et tâche ses vêtements dans les toilettes. ما يؤخذ من الحديث سكون غتين دي حديث أولا استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته. Premièrement, on retient de ce hadith qu'il est recommandé de faire cette invocation lorsque la personne s'apprête à entrer dans les toilettes afin d'être préservé des diables qui essayent par tous les moyens de faire en sorte que ta prière soit invalide. Pourquoi est-ce que la prière est invalide? Car et on l'a déjà vu, mais on le reverra, que pour que la prière soit valide, il faut que l'endroit dans lequel tu pries soit pur, mais aussi que tu sois en état de pureté, mais aussi que tes vêtements soient propres. Hassan. Thaniyan. إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيذ منهم ليتقي شرهم. Deuxièmement, on a dit de ce hadith que parmi le mal que peuvent faire les diables, c'est qu'ils peuvent causer de l'impureté, ou ils peuvent causer le fait que le musulman se tâche d'impureté, qui amènera à ce que sa prière soit invalide. Ainsi, le serviteur doit demander la protection d'Allah Azzawajal contre ce mal. Thalithan, wujubu ijtinabu an-najasat wa 'amalu al-asbab al-munajjiyah minha faqad sahha an 'adam at-taharruz min al-bawl min asbab 'adab al-qabr. Troisièmement, on en déduit l'obligation de se préserver des impuretés et de mettre en œuvre tout ce qui est faisable pour se protéger et pour se prémunir de ces impuretés. Et il a été rapporté de façon authentique que celui qui ne se préserve pas de l'urine, eh bien que cela fait partie des causes qui provoquent le châtiment de la tombe. Des questions sur ce hadith? C'est clair? Non. Ici, si ida arada ida dakhala al-khala, lorsqu'il entre dans l'endroit. Et al-khala, on dit que c'est l'endroit qui est fait ou réservé pour ses besoins, pour le fait de faire ses besoins. Akul al hadith est am. Le hadith, il est général, à savoir lorsque tu t'apprêtes à entrer dans les toilettes. Car est-ce que tu peux être taché même si tu ne fais pas tes besoins? C'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Donc, dis cette invocation que tu entres dans les toilettes avec l'intention de faire tes besoins ou sans l'intention de faire tes besoins, car le hadith est général et la chose pour laquelle celui qui entre pour faire ses besoins demande la protection, eh bien cette même chose peut arriver à celui qui entre même s'il n'a pas l'intention de faire ses besoins. Allah Allah. Non. Ça n'a pas été rapporté dans le hadith. Dans le hadith de Bukhari au Muslim, ce n'est pas rapporté, mais je crois que c'est rapporté dans un hadith authentique, mais dans une autre version. Je crois qu'il est cité dans le Hadith Muslim. Vous confirmez ou pas? Ouais. Non. Taïb. C'était la même question. Plus de questions sur ce hadith? Non. Juste, quand on rentre dans les toilettes, le fait de parler dans les toilettes. Le fait de parler dans les toilettes, cela est autorisé. Et ce qui est interdit et déconseillé chez certains savants, c'est de parler, de prononcer le nom d'Allah pendant que tu fais les besoins. Au moment où tu fais les besoins, de prononcer le nom d'Allah, cela est interdit chez certains savants et fortement déconseillé chez d'autres, et justement l'auteur va le citer dans les hadiths qui viennent. Non. Al-hadith al-thani ashar, le 12e hadith. An Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيد قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. Selon أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous vous apprêtez à faire vos besoins ou à aller aux toilettes, ne faites pas face à la Qibla en faisant ne faites pas face à la Qibla que vous fassiez, que vous soyez au sel ou que vous uriniez, et ne lui tournez pas le dos également, mais dirigez-vous plutôt vers l'est ou vers l'ouest. Et Abu Ayyub radiallahu anhu a dit: et lorsque nous sommes partis au Sham, nous avons trouvé des toilettes qui étaient construites dirigées vers la Kaaba. Nous nous détournions de cette direction et nous demandions à Allah de nous pardonner. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Naam, idha ataytum. Idha ataytum, ça veut dire? Naam? Lorsque vous apprêtez à partir. Hein? Aïe, idha jitum. C'est-à-dire lorsque vous venez. Ata, ça a plus le sens de venir que de partir. Et lorsque vous venez aux toilettes, ou lorsque vous avez l'intention de venir aux toilettes. Parce que ata, ça veut dire venir. Ça veut dire ja. Et il y a une énorme différence entre le fait de dire idha ataytum ou idha ataytum. C'est quoi la différence entre ataytum et ataytum? Naam, ataytum, c'est donner. Et ataytum, c'est venir. Donc, cela prouve la minutie de la langue arabe et qu'il faut prononcer les mots comme il se doit. Gharib al-hadith, les termes étranges du hadith. Al-ra'it, al-mutma'innu min al-ard, wa kanu ينتابونه أو يتنابونه لقضاء الحاجة فكنوا به عن الحدث نفسه. الغائط qui est المطمئن من الأرض, c'est-à-dire une terre basse, une terre basse, et c'était un endroit vers lequel ils se dirigeaient pour faire leurs besoins, comme une descente ou un genre d'infaissement, ou voire même un trou, si c'était possible. Pourquoi? Pour se préserver du regard des gens. Et comme ces endroits étaient la plupart du temps réservés pour ce genre de choses, eh bien, ils ont appelé carrément cela al-ra'it. Al-ra'it, qui veut dire textuellement... les selles. Qui veut dire textuellement les selles. Mais c'est le sens qui est voulu dire dans ce hadith, c'est un endroit abaissé. Mais c'était un endroit qui n'était utilisé que pour ce type d'usage, donc il a été carrément appelé par ce que l'on fait dans cet endroit, à savoir les selles. Walakin sharriqu aw gharribu. Mais dirigez-vous vers l'est ou vers l'ouest. Non, le marhid c'est après, c'est 3. اتجهوا نحو المشرق او المغرب وهذا بالنسبه لاهل المدينه ومن في سمتهم ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها اذا شرقوا او غربوا. C'est-à-dire, dirigez-vous plutôt en direction de l'est et de l'ouest, et ceci concerne les gens de Médine, et ceux qui sont dans la même position géographique, à savoir ceux qui qui ne se dirigent pas vers la Qibla lorsqu'ils se placent à l'est ou à l'ouest. Donc ici, le hadith du prophète, mais plutôt dirigez-vous vers l'est ou vers l'ouest, ou vers l'Orient ou l'Occident. Ceci concerne les gens de Médine et ceux qui sont géographiquement dans le même cas de figure, à savoir que lorsqu'ils se dirigent vers la Qibla, lorsqu'ils se dirigent vers la Qibla, ils ne sont ni à l'ouest ni à l'est. Par exemple, l'Égypte. L'Égypte, la Qibla, elle est où? Elle est à l'est. Elle est à l'est. Donc, lorsqu'ils veulent faire leurs besoins, il faut qu'ils se dirigent soit vers le nord, soit vers le sud. Et c'est à peu près la même chose pour nous. Et nous, la Qibla, elle est au sud-est. Elle est au sud-est. Lorsque l'on veut faire nos besoins, le mieux est de se diriger soit vers le nord, ou soit vers le sud. Mais ici, le hadith parle des gens de Médine. Parle des gens de Médine, car le professeur Hassan était à Médine, et il s'adressait à ses compagnons qui eux aussi étaient à Médine, et Médine est située au nord de la Mecque. Et située au nord de la Mecque, il ne faut donc ni faire face à la Qibla pendant ses besoins, ni tourner le dos à la Qibla pendant ses besoins. Et on verra par la suite quelle est la sagesse de cette interdiction. ثالثا والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل وقد كنوا به أيضا عن موضوع قضاء حاد عن موضوع قضاء عن موضع قضاء الحاجة. Troisièmement, والمراحيض et les toilettes, c'est le pluriel de mirhad, qui est l'endroit dans lequel on se lave initialement, mais il a été appelé ainsi car c'est un endroit dans lequel l'on fait ses besoins. C'est un endroit construit, comme l'a dit Abu Ayyub, lorsque nous sommes partis au Cham, nous avons trouvé des toilettes construites. C'est-à-dire, c'est un endroit qui est construit pour cet usage uniquement. Al-ma'na al-ijmali. Yurshidu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ila shay'in min adab qada'i al-hajah bi'an la yastaqbilu al-qibla wa hiya al-ka'batu al-musharrafa ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة وموضع التكريم والتقديس وعليهم أن ينحرفوا عنها قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إليها كقبلة أهل المدينة ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق ذكر أبو أيوب أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة قد بنيت متجهة إلى القبلة فكانوا ينحرفون عن القبلة ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة فإذا فطنوا انحرفوا عنها وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوا. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirige certains conseils qui comportent des comportements à avoir lorsque l'on fait les besoins, à savoir de ne pas faire face à la Qibla, qui est la Kaaba sainte, et également de ne pas lui tourner le dos pendant les besoins, car c'est la Qibla de la prière, c'est-à-dire c'est l'endroit vers lequel on se dirige pendant la prière, et c'est également un lieu saint et un lieu honorifique, et qu'il est demandé à ceux qui font leurs besoins de se dévier vers l'est ou l'ouest lorsque le fait de se diriger vers l'est et l'ouest ne fait pas face à la Qibla ou ne lui tourne pas le dos, comme la Qibla des gens de Médine. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les gens qui mettent en pratique les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus rapidement et n'ont aucun doute, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonne quelque chose, ils le mettent en pratique immédiatement, car ils savent que c'est la vérité. Car ils savent que tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que vérité. Abu Ayyub radiallahu anhu a dit que lorsqu'ils sont partis au Sham, après la victoire de la Mecque, ils ont trouvé les toilettes construites pour faire ses besoins qui étaient dirigés vers la Kaaba. Et ils se déviaient de celle-ci. Lorsqu'ils faisaient leurs besoins, ils se déviaient de la Qibla. Mais parfois, ils le faisaient par oubli. Parfois, ils se dirigeaient vers la Kaaba par oubli. Et lorsqu'ils s'en rappelaient, ils se détournaient à nouveau et demandaient à Allah Azza wa Jalla de leur pardonner ce qu'ils auraient pu faire par oubli. Ce qu'ils auraient pu faire par oubli. Donc les compagnons du professeur Hassan ont trouvé les toilettes dirigées vers la Qibla au Sham, mais malgré cela, ils faisaient en sorte de se détourner de la Qibla. Et lorsqu'ils oubliaient et se rappelaient qu'ils le faisaient, eh bien, ils demandaient à Allah Azza wa Jal de leur pardonner cette erreur. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce que l'on déduit du hadith. أولاً النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. Premièrement, l'interdiction de faire face à la Qibla et de lui tourner le dos au moment où l'on fait les besoins. Au moment où l'on fait nos besoins. Donc ce n'est pas uniquement de faire face qui est interdit, mais c'est de faire face et aussi de tourner le dos, de faire face, mais aussi de tourner le dos. Cela est interdit lorsque tu fais tes besoins. Et de façon plus concrète, une personne qui est à Médine, elle n'a pas le droit de faire face au nord, ni de faire face au sud pendant qu'il fait ses ablutions, pendant qu'il fait ses besoins. ثانيا الامر بالانحراف عن القبله في تلك الحال. Deuxièmement, l'ordre de se dévier de la Qibla pendant ces moments. ثالثا ان اوامر الشارع ونواهيه تكون عامه لجميع الامه وهذا هو الاصل وقد تكون خاصه لبعض الامه ومنها هذا الامر فإن قوله ولكن شرقوا أو غربوا هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهتهم ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة. Troisièmement, que les ordres du législateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses interdictions sont générales à l'ensemble de la communauté, et ceci est la base. Ceci est la base de tout ordre et de toute interdiction, à savoir qu'il concerne l'ensemble de la communauté, hommes et femmes. Mais certains peuvent être précis et spécifiques à une partie de la communauté. Et par exemple, ou à titre d'exemple, cet ordre qu'a donné le professeur, à savoir de se diriger vers l'est ou vers l'ouest. Mais ceci est un ordre dirigé uniquement aux gens de Médine et ceux qui sont dans la même position géographique, qui, lorsqu'ils se dirigent vers l'est ou vers l'ouest, ne font ni face ni dos à la Qibla. Non. Pour simplifier l'aspect géographique, c'est que lorsque tu te diriges vers l'est ou vers l'ouest, tu n'es pas en face de la Qibla. Donc la Qibla doit être soit à droite, soit à gauche, pendant les deux. La Qibla, non, c'est ça. Ahsant. Rabi'an, al-hikmatu fi dhalik ta'zimu al-ka'bati al-musharrafa wa ihtiramuha. فقد جاء في حديث مرفوع إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. حديث رواه البيهقي والدارقطني. Quatrièmement, la sagesse dans cela est le fait que la Kaaba, la sainte Kaaba, a une immense place et qu'elle doit être respectée. Il a été rapporté dans un hadith marfou, c'est-à-dire qui arrive jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles qu'a prononcées le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous va à Al-Baraz, qui est pareil, une terre dans laquelle, ou que les gens, ou vers lequel se dirigent les gens pour faire leurs besoins. Qu'il فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ اللَّهِ, qu'il respecte la qibla d'Allah et qu'il ne fasse pas face à la qibla. Qu'il ne fasse pas face à la qibla. C'est un hadith apporté par Al-Bayhaqi et Ad-Darqutni. Et l'auteur ici a considéré que le hadith est marfou. C'est une chose, quand on dit un hadith marfou, c'est-à-dire que le rapporteur le rapporte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela ne veut pas dire forcément qu'il est authentique. Et justement, ce hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah l'a cité dans Silsilat Da'ifah, le hadith dans sa totalité, et lorsque l'un d'entre vous, il a atteint ahadukum al-baraz, فَلْيُكْرِمَنَّ قِبْلَةَ اللَّهِ فَلَا يَسْتَقْبِلُهَا وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا ثُمَّ يَسْتَطِيبُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلَاثَةِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي وَأَمْسَكَ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي. يعني le hadith qu'a cité l'auteur, il n'a pas cité l'authenticité, mais il y a un autre hadith similaire à celui-ci que Cheikh Al-Albani a rendu faible, à savoir que lorsque l'un d'entre vous va à Al-Bara, c'est-à-dire dans ces endroits prévus pour faire les besoins, qu'il respecte la qibla d'Allah, qu'il ne lui fasse pas face, ni lui tourne le dos, puis qu'il se nettoie à l'aide de 3 pierres, ou de 3 morceaux de bois, ou de 3 poignées de terre, puis qu'il dise « Je remercie Allah qui a fait sortir de moi ce qui me porte atteinte et qui a laissé en moi ce qui m'est bénéfique. » Donc ce hadith avec ces termes est rendu fin par Cheikh Al-Albani rahimahullah, à la kulihal, le sens est vrai, à savoir que l'interdiction de faire face et de tourner le dos à la qibla pendant les besoins, que ceci est une marque de respect envers la qibla d'Allah Azza wa Jal, qui est la Kaaba, qui est Baytullah al-Haram. Et des hadiths peuvent prouver cela, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de cracher en direction de la qibla. S'il est interdit de cracher en direction de la qibla, il est encore plus interdit de lui faire face pendant les besoins ou de lui tourner le dos. Donc il n'y a aucun doute sur cette sagesse, qu'elle est vraie, même si le hadith, comme je l'ai dit, le hadith que l'auteur a cité, il n'a pas cité l'authenticité, je ne dis pas qu'il est faible, Allahu a'lam, mais il y a un hadith dont le sens est similaire, mais que Cheikh Al-Albani rahimahullah a rendu faible. Khamisan, al-murad bin istighfar huna al-istighfar al-qalbi lal-lisani, li'anna dhikr Allah bil-lisani fi hal kashf al-awra wa qada' al-hajati mamnu'. Cinquièmement, ce qui est voulu par l'istighfar, c'est-à-dire la parole d'Abu Ayyub radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit wa nastaghfirullah, et nous demandions à Allah de nous pardonner. Cheikh Al-Bassam rahimahullah dit, ce qui est voulu par l'istighfar ici dans ce hadith, c'est l'istighfar par le cœur et non par la langue. Car de prononcer le nom d'Allah avec sa langue lorsque les parties intimes sont dévoilées et lorsque la personne fait ses besoins, cela est interdit. Que cela est interdit. Et il y a des hadiths à ce sujet, à savoir que le prophète Hassan n'a pas rendu le salam à un compagnon qu'il a salué, car le professeur Hassan faisait ses besoins à ce moment-là, et ce n'est qu'après que le professeur Hassan ait fait ses besoins et qu'il ait fait ses ablutions, qu'il a répondu au salam de ce compagnon, et le professeur Hassan a dit « Inni karihtu an adhkur Allah azza wa jal ala hadihil hala. » Je détestais prononcer le nom d'Allah alors que je suis dans cette situation. الحديث الثالث عشر التخزن حديث عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة رواه البخاري ومسلم. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit, je suis monté un jour dans la maison de Hafsa. Je suis monté. Ça veut dire quoi, je suis monté? Hein? Qu'il se dirigeait vers le toit de la maison de Hafsa. C'est-à-dire qu'il montait sur le toit. Et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses besoins en faisant face au Sham et en tournant le dos à la Kaaba. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sens général. Zakar ibn Umar radiyallahu anhu annahu jaa yawman ila bayti ukhtihi Hafsa zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متجه نحو الشام ومستدبر القبلة. Le sens général du hadith. Ibn Umar radiallahu anhu dit et raconte qu'il est parti une fois dans la maison de sa sœur Hafsa. Hafsa qui est la fille de Umar al-Khattab radiallahu anhu et également la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses besoins en se dirigeant vers le Sham, c'est-à-dire vers le nord, et en donnant le dos à la Qibla, c'est-à-dire vers le sud. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine. اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة فذهب إلى التحريم مطلقا راوي الحديث أبو أيوب ومجاهد والنخعي والثوري ونصر هذا القول ابن الحزم وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقواه ورد غيره من الأقوال في كتابيه زاد المعاد وتهذيب السنن واحتج بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك ومنها حديث أبي أيوب في هذا الذي معنا وذهب إلى جوازه مطلقا عروة بن الزبير والربيعة وداود الظاهري محتجين بأحاديث منها حديث ابن عمر الذي معنا وذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مروي عبد الله بن عمر والشعبي إلى التفصيل في ذلك فيحرمونه في الفضاء ويبيحونه في البناء ونحوه وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث والإباحة مطلقا كذلك والتفصيل يجمع بين الأدلة ويعملها كلها وهذا هو الحق فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل شيء وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة وهو القول بالكراهة للتحريم قال الصنعاني لا بد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة للتحريم وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي وقد ذهب إليه جماعة وبهذا يزول التعارض أحاديث الباب قلت على كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصره هؤلاء المحققون. La divergence des savants. Les savants ont divergé sur le jugement de faire face et de tourner le dos à la qibla pendant les besoins sont de l'avis de l'interdiction. Le rapporteur du hadith précédent, qui est le hadith Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, et c'est également l'avis de Mujahid, de Nakhai, al-Thawri, et c'est également un avis qu'a soutenu l'imam Ibn Hazm rahimahullah, et il a répondu aux autres avis dans son livre Al-Muhalla. Le livre Al-Muhalla, qui est un livre de l'imam Ibn Hazm rahimahullah, dans lequel il traite la jurisprudence musulmane. Et Ibn Hazm rahimahullah fait partie de ceux qui ont soutenu Al-Madhhab al-Zahiri. Et Al-Madhhab al-Zahiri, c'est le fait de prendre, de comprendre les hadiths dans le sens apparent et de ne pas chercher les sous-entendus et autre chose. Lorsque le prophète sallam interdit quelque chose, on se contente de comprendre le hadith du prophète sallam comme on le lit. Comme on le lit. Et l'imam Ibn Hazm rahimahullah fait partie des grands savants de l'islam, et le fait d'avoir cette méthode d'analyse des hadiths l'a amené à faire des erreurs que les savants de l'islam ont montrées, et des erreurs qui parfois sont graves. Mais à la hal, c'est malgré tout un savant de l'islam, il est respecté des savants, et les savants conseillent aux étudiants en sciences religieuses, ceux qui ont un certain niveau, de lire Al-Muhalla, car il y a beaucoup de choses à en déduire. Et je ne connais pas un savant qui ait mis en garde contre l'imam Ibn Hazm suite aux erreurs qu'il aurait pu faire. Et cet avis, c'est également l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, également de son élève Ibn al-Qayyim, à savoir qu'il est interdit de faire faire face et de tourner le dos à la Qibla, quelles que soient les circonstances. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a aussi répondu aux autres avis dans son livre Zadul Ma'ad et dans son autre livre Tahdhib al-Sunan, et ils ont utilisé des hadiths authentiques dans cela. Et parmi ces hadiths, le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit formellement de faire face et de tourner le dos à la Qibla pendant que l'on fait nos besoins, et sont de l'avis que cela est autorisé quelles que soient les circonstances. Urwa ibn Zubayr, Ar-Rabi'a et Daoud al-Zahiri, qui était lui aussi connu pour avoir la même méthodologie de compréhension des hadiths que l'imam ibn Hazm. C'est ça qu'on appelle Daoud al-Zahiri, c'est-à-dire que lui aussi prenait ce qui a le sens apparent des hadiths. Et leur preuve est ce hadith d'Abu Huraira, de Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, que l'on explique actuellement, à savoir qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses besoins en faisant face au Sham et en tournant le dos à la Qibla. Ils ont déduit que cela est autorisé, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, donc cela est autorisé pour tout le monde. Et il n'y a pas de preuve que cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de preuve que ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam est spécifique à lui. Et la base dans les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est une législation pour l'ensemble de la communauté jusqu'à la preuve du contraire. Jusqu'à la preuve du contraire. Et il y a le troisième avis, qui est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad et de Ishaq. Et c'est également un avis rapporté par Abdullah ibn Umar et Al-Sha'bi, à savoir qu'ils précisent, c'est-à-dire qu'ils disent que ce cas, il faut le détailler. Quel est ce détail? Ils disent que l'interdiction intervient et est en vigueur lorsque tu fais tes besoins dehors, dans un endroit vaste et de préférence abaissé, et il l'autorise dans les constructions et ce qui est similaire. Et le Cheikh al-Bassam dit « وَهَذَا هُوَ الْمَدْهَبُ الْحَقِّ » et ceci est l'avis qui suit la vérité, car c'est en prenant compte cet avis que nous rassemblons les preuves et les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le fait d'interdire totalement et d'interdire le fait de tourner le dos à la qibla et de lui faire face pendant les besoins, cela va mettre de côté certains hadiths. Si on dit que c'est interdit quelles que soient les circonstances, on aura mis de côté le hadith de Abdullah ibn Omar. Et si l'on dit que c'est autorisé dans toutes les circonstances, on aura mis de côté le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari. Et le fait de spécifier et de détailler rassemble les hadiths, l'ensemble des hadiths, et l'on met en pratique chacun des hadiths. وَهَادَ وَالْحَقْ. Et ceci est la vérité. Car si l'on dit que cela est interdit dans les terrains vastes ou les terrains extérieurs, à l'extérieur des constructions et des maisons et des habitations, eh bien, l'on ne contredit pas le hadith d'Abu Ayyub. On le met en pratique. Et le fait de l'autoriser dans les constructions, on met en pratique le hadith de Abdullah ibn Omar. Et il faut toujours rassembler les hadiths lorsque cela est possible. Et c'est la première des choses que font les savants lorsqu'il y a une contradiction apparente dans deux hadiths. La première des choses, c'est de trouver l'avis qui les rassemble. C'est de trouver l'avis qui les rassemble, et c'est la première voie qu'empruntent les savants du hadith pour rassembler ou pour donner un jugement. Lorsqu'ils donnent un jugement, ils donnent un jugement qui rassemble l'ensemble des hadiths. Si cela n'est pas possible, alors l'on regarde le hadith qui est le plus authentique. Et si cela n'est pas possible, de regarder alors lequel des hadiths a été prononcé avant. Est-ce qu'il y a une possibilité de dater les hadiths? Est-ce que dans le hadith, il y a des faits qui ont été cités qui pourraient aider à dater des hadiths? Et lorsque l'on peut dater des hadiths et on sait que ce hadith a été fait ou a été dit avant l'autre, on peut dire que celui-ci abroge l'autre. Et il y a bien d'autres façons de rassembler des hadiths qui se contredisent en apparence, mais comme on l'a dit et on le répète à chaque fois, ce ne sont que des contradictions apparentes, mais en aucun cas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se contredisent. Et il y a un troisième avis qui, et un quatrième avis à Afwan, qui lui aussi est un avis fort, comme l'a dit al-Sheikh al-Bassam, rahimahullah, c'est le fait de dire que cela est détesté et détestable et non interdit. Que cela est détestable et non interdit. C'est l'avis de l'imam al-San'ani, rahimahullah ta'ala. Et pourquoi cet avis rassemble les hadiths? À savoir que l'on prend en compte le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari, rahimahullah, radiyallahu anhu, sur interdiction, et on prend en compte le hadith d'Abdullah ibn Omar dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour légiférer et pour montrer à sa communauté que cela est détestable et non interdit. Et ainsi également, en suivant cet avis, on sait aussi, on rassemble également les hadiths. Mais d'une autre façon, cette fois-ci en donnant le jugement sur le fait de donner face ou tourner le dos à la qibla, à savoir que ce n'est pas interdit mais déconseillé. Et quelle est la preuve que c'est déconseillé? Car on l'a vu à plusieurs reprises que lorsque le prophète sallam interdit une chose, la preuve, la base, c'est que cette chose est interdite, sauf s'il y a un autre hadith qui vient dévier cette interdiction et la ramener vers le fait que c'est déconseillé et détestable. Et ici il y a un hadith qui nous prouve que c'est détestable. C'est quoi? C'est le hadith d'Abdullah ibn Omar, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, cela veut dire que c'est autorisé Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit dans l'autre hadith. Donc, en rassemblant les deux hadiths, on en déduit que ce n'est pas interdit, mais que c'est déconseillé et détestable. Et une chose détestable, il est autorisé de la faire. Celui qui l'a fait ne commet pas de péché, mais celui qui ne la fait pas est récompensé. Puis il dit, rahimahullah, wa ala kullin, quelle que soit la vie, il est demandé de se dévier de la qibla, même dans les constructions également. Et ceci afin d'éviter de faire partie des hadiths qui l'interdisent. وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ الْقَوِيِّ. Et également car il y a dans ce sujet une divergence forte que ont soutenu ces muhaqqiqoun, c'est-à-dire ces grands savants. Et il parle ici de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn Al-Qayyim rahimahullah. À Koulihal, ici, pour lui, le shir, cela est autorisé, mais il y a une possibilité de sortir de la divergence, qui est de se dévier de la qibla, et en le faisant, eh bien, la personne sort de la divergence et est sûre de ne pas faire partie de ces hadiths dans lesquels le prophète sallam interdit de le faire. ما يؤخذ من الحديث أولا جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة ويفيد بأنه في البنيان. Premièrement, ce que l'on déduit du hadith, c'est l'autorisation de tourner le dos à la Kaaba pendant les besoins, et on déduit dans ce hadith que cette autorisation concerne les habitations et les maisons. ثانيا جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه. Deuxièmement, on en déduit également de ce hadith l'autorisation de faire face à la mosquée de Jérusalem lorsque l'on fait son besoin, contrairement à ceux qui considèrent cela détestable. Qui aurait pu déduire cela du hadith? À savoir que dans le hadith, on en déduit aussi qu'il est autorisé de faire ses besoins en faisant face. Il fallait y penser ça. Ce qui est le hadith, il est plus omnibulé par la Kaaba. Mais le fait de dire istaqbal al-Sham, qu'il est en direction du Sham, dans le Sham, il y a Jérusalem. Il y a Jérusalem, et Jérusalem, dans Jérusalem, il y a bien sûr Masjid al-Aqsa. Donc cela prouve qu'il est autorisé de faire ses besoins en direction de Bayt al-Maqdis. Et ceci contrairement à ceux qui pourraient considérer cela comme détestable. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.